إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc الحمد لله. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et Inch'Allah, on aura l'occasion aujourd'hui de rentrer dans l'explication des fondements de la aqidah d'Ahlus Sunnati wal Jama'ah, la aqidah des salafs salih, et les fondements de la aqidah des salafs. Avec une conférence qui a été donnée par le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Et c'est très important, ce sujet, c'est d'une grande importance pour nous, pour tous les musulmans, de le comprendre. Parce que c'est la base de notre religion et c'est la base de notre unité. Si on comprend les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'ah, les fondements des Salafus Salih, eh bien, Inch'Allah, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir s'unir. Qu'on va pouvoir s'unir sur la vérité et qu'on va pouvoir travailler ensemble pour réellement créer une Ummah qui est basé sur des principes qui sont les principes de nos salafs. Mais sans revenir à ces principes et à ces fondements, on ne sera jamais capable d'arriver à une unité réelle. Et c'est pour cette raison-là que tous les efforts qui vont être faits pour essayer d'unir les musulmans sur autre chose que sur ces fondements-là vont amener à, comme on dit, al-fashal, c'est-à-dire à des échecs. Et à du gaspillage et à des pertes d'énergie et de temps inutiles. Surtout qu'on est en train de vivre dans une époque très difficile pour la Umma. Et on constate de plus en plus que les ennemis de l'islam sont en train de mettre de plus en plus de pression sur les musulmans pour faire en sorte de les éloigner de ces fondements-là et de ces principes-là. Et c'est quelque chose de sérieux et on doit y réfléchir. Parce que, juste avant de commencer, un petit point important, c'est ça. On a constaté que beaucoup de musulmans veulent dépendre des koufars pour établir l'islam dans ce pays. Et ils veulent dépendre de plusieurs choses. Et comme par exemple, on a remarqué que tous les problèmes que les koufars, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant par rapport aux musulmans, lorsqu'ils parlent de la laïcité, ça revient toujours à des questions d'argent. Ça revient toujours à des questions d'argent. Comme par exemple, quand on parle, que ce soit par exemple, des mosquées. Il y a des musulmans, certains groupes de musulmans qui ont cette mentalité, qui pensent que, puisqu'on est en France ici, et que les musulmans sont avec une nationalité française, on doit utiliser les fonds publics et l'argent de l'État pour financer les mosquées, pour financer les activités de l'islam, pour financer les nourritures qui sont données aux enfants, qui sont de la nourriture halal dans les écoles musulmanes, dans les écoles publiques. Et ça dérange les koufars. Parce qu'ils se disent, pourquoi on va utiliser l'argent de nos taxes pour financer l'islam et les musulmans. Donc ils refusent ça. Et ils disent, nous on est un état laïque, on ne veut pas que notre argent soit utilisé pour financer une religion et les principes d'une religion. Mais si on avait notre propre, on utilisait notre propre argent pour financer nos mosquées, pour financer nos associations, pour financer notre nourriture, pour tout ce qui a rapport avec l'islam et les règles de l'islam, eh bien ils peuvent rien dire par la suite, parce qu'on leur demande pas un sou pour ces choses-là. Mais certains comme les Ikhwan par exemple, ils disent non, on est des Français à part entière, on paie des taxes, donc on a le droit d'avoir des services qui reviennent par rapport à notre religion. Mais ils n'ont pas compris la mentalité des koufars et la réalité du kufr. Parce que même si on a la citoyenneté française, pour les koufars, d'après ce qu'on constate maintenant, quand ils disent français, ils ont exclu les musulmans de cette définition-là et de cette signification-là. Et c'est pour ça que quand ils disent l'identité des Français ou la France, ils ne parlent pas des musulmans. Ils parlent des Français, c'est-à-dire des chrétiens ou des juifs ou des laïcs, des athées, pas des musulmans. Donc ça c'est très important de le comprendre et c'est très important de s'unir donc pour être capable de comprendre qu'on doit financer nos propres activités et s'entraider sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sur tous les plans. Mais c'est impossible d'arriver à ça sans comprendre les fondements de l'islam. C'est impossible d'arriver à ces objectifs-là sans comprendre le tawhid, sans comprendre les fondements de la sunna, sans comprendre les fondements de la aqida des salafs. Parce que si on veut s'unir sur autre chose que sur ça, on ne va jamais être capable de travailler ensemble. On ne va jamais être capable de travailler avec les autres musulmans qui sont sur la bid'a ou qui sont sur la déviation, parce que chaque fois qu'on va essayer de faire quelque chose, les gens vont se diviser à cause des passions, à cause des égarements, à cause des bid'a et d'autres choses. Et donc, ça nous montre l'importance de comprendre et de revenir à nos principes et à nos fondements pour être capable de travailler ensemble et de s'unir sur la vérité pour par la suite être capable de renforcer cette religion ici et ailleurs dans différents pays. Donc on va commencer inshallah avec cette muhadara du Cheikh et il commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hadana lil Islam wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. نسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه رحمة للعالمين ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان وما تعاقب الليل والنهار ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Donc le cheikh il commence l'introduction de cette muhadara en disant: au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui nous a guidés à l'islam. Et certes, si ce n'était pas de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait pas pu être guidés. Et on lui demande, subhanahu, de nous raffermir sur l'islam jusqu'à notre mort. Et il mentionne le verset 102 dans Surat Al-Imran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en étant musulman. » Et on lui demande également de ne pas laisser nos cœurs se dévier après qu'on ait reçu la guidance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset 8 dans Surat Al-Imran, « Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. » Et paix et salut sur notre prophète et notre modèle et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager qu'il a envoyé comme une miséricorde pour les mondes, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de ses compagnons, les compagnons purs parmi les muhajirines et les ansars et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. tant que le jour et la nuit se succéderont. Ensuite, il dit فهذه كلمات مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة دعا إلى كتابتها ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتماثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعته. Donc il dit, c'est une parole résumée pour clarifier la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et qu'est-ce qui nous a amené à écrire ce sujet? C'est ce que la Umma islamique aujourd'hui est en train de vivre, est en train de traverser comme division et divergence qui sont exprimées ou représentées par les différentes sectes contemporaines et les différents groupes modernes qui existent. Chacune de ces sectes ou chacun de ces groupes appelle à sa voix et donne, hein, fait des éloges à sa propre voix. Hatta asbah al-muslim al-jahil fi hayratin min amrihi man yattabi' wa biman yaqtadi wa asbah al-kafir alladhi yuridu an yuslim la yadri ma huwa al-islam as-sahih alladhi qara'a wa sami'a anhu. Il dit, c'est arrivé à un point tel que le musulman qui est ignorant, il est dans la confusion par rapport à son islam, par rapport à la religion. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit suivre et qui va être son modèle, quel exemple il doit suivre. Et même le kafir, le non-musulman qui recherche la vérité, il ne sait plus c'est quoi l'islam le vrai. Hein, celui qui l'a lu et celui qui l'a entendu, il n'arrive plus à le reconnaître à cause de cette confusion, à cause de cette division. الإسلام الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة وإنما يرى للإسلام اسما في الغالب بدون مسمى كما قال أحد المستشرقين الإسلام محجوب بأهله يعني المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته. Donc le cheikh, il explique, il dit que l'islam auquel nous a guidé le Coran et auquel nous guide la sunna du prophète, à laquelle nous guide la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou auquel nous guide la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vrai islam qui est dans les textes du Coran et de la sunna, on ne le retrouve pas représenté comme il était représenté par la vie des sahaba et comme les trois siècles préférés l'ont suivi à leur époque. On le retrouve plus comme il était à cette époque-là représenté aujourd'hui. Tout ce qu'on trouve, c'est l'islam en nom uniquement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le nom, le mot islam. Mais on ne retrouve pas la réalité de cet islam dans qu'est-ce que pratiquent les musulmans d'aujourd'hui. Comme un des orientalistes a dit que l'islam, il est caché par les gens qui le pratiquent ou qui se disent musulmans. C'est-à-dire, les musulmans sont en train d'obstruer la réalité de l'islam et de cacher aux gens la réalité de l'islam à cause de la mauvaise représentation qu'ils en font. C'est-à-dire qu'ils prétendent ou ils se disent musulmans, mais ils ne représentent pas la réalité de ce que l'islam enseigne. Et il dit, « La naqulu inna l'islam mafkoudun bilkulliya, li anna Allah subhanahu ضمن بقاءه ببقاء كتابه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وببقاء جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Donc le cheikh, il explique par la suite, il dit, ça ne veut pas dire que l'islam est complètement perdu, hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus de représentation de l'islam du tout, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a garanti que il y allait, hein, que sa religion allait rester jusqu'à la fin des temps, et que son livre allait rester jusqu'à la fin des temps. Il a dit, nous avons fait descendre le rappel, hein, le Coran et la Sunna, et nous allons certes le préserver. Dans le verset 9 dans Surat Al-Hijr. Et donc, il y a toujours un groupe de la Umma qui va rester sur la réelle pratique de l'islam et sur la préservation de l'islam et sur la défense de l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 54 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion ou quitte sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va venir, on va faire venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire un peuple qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala aime, qui est humble envers les mu'minines et qui est fier et puissant envers les kafirines, qui lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne craigne le blâme d'aucun blâmeur, ne craigne le blâme de personne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous vous détournez, si vous vous détournez de l'islam, et de l'islam réel, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, il va vous échanger par un autre peuple. Et ils ne seront pas comme vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça à nous les musulmans. Que si nous, on ne s'accroche pas à l'islam tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, et qu'on ne suit pas l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, il va nous changer par un autre peuple, hein, qui va venir et qui va s'accrocher à cet islam dans sa réalité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Hein? Et si nous, on n'est pas garant de ce message et de cette religion, il va faire venir d'autres gens, d'autres peuples, qui vont être garants de ce message et qui vont être fidèles à ce message et qui vont le défendre au prix de leur vie et au prix de leur sang. Hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Et ça c'est dans le verset 37 dans Surat Muhammad. Le Cheikh il dit ensuite, Na'am, hiya al-jama'a allati qala anha al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. Oui, ce groupe qui va suivre l'islam dans sa réalité et qui va s'agripper ou s'accrocher à la compréhension des premiers musulmans pour l'appliquer, il existe et il va exister jusqu'à la fin des temps, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit, il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui va rester victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent ne vont pas pouvoir leur nuire. Et ceux qui s'opposent à eux ne vont pas pouvoir leur nuire en quoi que ce soit non plus. Et ils vont rester ainsi jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est normal, lorsque on défend la vérité, on défend cet islam, on va faire face à ces deux catégories de groupes. Le groupe des mukhazzilin, hein, ceux qui vont nous abandonner, parce qu'ils ont peur, ils ont peur des problèmes, ils ont peur de ci, de ça. Hein. On en a vu et on en voit encore, et on va en voir encore plus dans l'avenir. Ils disent on veut pas d'ennuis. On veut l'islam, mais on veut pas des ennuis. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi beaucoup de difficultés à cause de la ilaha illallah. Et les messagers qui sont venus avant lui, la même chose. Donc il faut pas s'imaginer que tu vas défendre la ilaha illallah, hein? Que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que tu vas prêcher ça et que après on va te lancer des roses. Hein? Donc c'est normal qu'il y aura des difficultés. Donc tu auras à faire face à cette catégorie de personnes qui vont t'abandonner dans les moments de difficulté et dans les moments d'épreuve. Et il y a l'autre groupe, sont ceux qui s'opposent à la vérité. Hein? Qui veulent pas la vérité, qui veulent pas l'islam, qui veulent pas la voie des salafs, la compréhension des sahaba, ils veulent autre chose. Ils veulent les passions qu'ils ont dans leur cœur, ils veulent les suivre. Et donc, ils veulent opposer ce groupe. Et donc, on fait face à ces deux groupes-là. Mais tant qu'ils s'accrochent à la vérité, alhamdoulillah, rien ne peut leur nuire. Parce qu'ils s'accrochent à ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, personne ne peut leur faire du tort, peu importe ce qu'ils leur font. Et le Cheikh il dit, وَمِنْ هُنَا يَجِبُ عَلَيْنَا التَّعَرُّفْ عَلَى هَذِهِ الْجَمَاعَةِ الْمُبَارَكَةِ التي تمثل الإسلام الصحيح جعلنا الله منها ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين ليقتدي بهم ويسير في ركابهم ولينضم إليها من يريد الدخول في الإسلام من الكفار. Ça c'est important, le Cheikh il dit, et ici c'est obligatoire de faire connaître ce groupe béni qui représente l'islam réel et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse faire partie de ce groupe. Dites Amin. Et na'am. Pour qu'on puisse connaître l'islam qui est réel, le vrai islam, et faire partie des gens qui sont réellement accrochés à ce vrai islam, et pour qu'on puisse les suivre et les prendre comme modèles. Hein? Et se joindre à eux, se joindre à ce groupe. Et pour que celui parmi les koufars qui désire connaître l'islam et suivre l'islam réel puisse s'y joindre et accepter cet islam, qui est l'islam tel qu'il a été ramené par le messager. المراد بالفرقة الناجية وأهل السنة. المراد بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. Qu'est-ce qu'on veut dire par le groupe sauvé? Et qu'est-ce qu'on veut dire par les gens de la sunna et les gens de la jama'a? Qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh il dit, كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Les musulmans à l'époque du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, ils n'étaient qu'un seul groupe, une seule nation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 92 dans sourate Al-Anbiya, cette umma, votre umma n'est qu'une seule umma, une umma unique, une nation unique, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. C'est-à-dire, adorez-moi en m'unifiant dans votre adoration et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de moi. كم حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فرد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Le Cheikh dit, comment les juifs et les chrétiens à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont essayé de diviser les musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais ils n'ont pas été capables. Et ils ont dit, ne donnez pas de votre argent à ceux qui sont avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ne les aidez pas financièrement pour qu'ils s'éloignent de l'islam. Quand ils vont manquer d'argent, ils vont laisser l'islam, ils vont laisser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a des gens encore aujourd'hui, ils ont cette idée-là parmi les munafiqins. Il ne faut pas aider les gens qui veulent suivre l'islam, qui veulent suivre la sunna, qui veulent suivre la salafia. Quand ils ne vont pas avoir d'argent, ils vont se séparer, ils vont s'en aller, ils vont abandonner l'iltizam. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant, mais c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Mais les munafiqines, les hypocrites ne comprennent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne le risque. Et quand on regarde par exemple la da'wa, actuellement les gens disent, subhanallah, les ikhwan, les jeunes bid'ah, ils ont plein d'argent. On se demande d'où est-ce que cet argent leur vient. Ils ont plein de ressources, plein d'argent, des richesses. Et si vous voyez par exemple au Canada, les mosquées que les Ikhwan ont, c'est incroyable. Tu dis, subhanallah, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire ces choses-là? Parce qu'ils sont aidés par des koufars, ils prennent de l'argent des koufars, et les koufars les aident et les financent. Et quand tu regardes les salafiyoun, Ahlus Sunnah, on voit que on a très peu de moyens. On n'a pas de mosquée, ou bien on a des mosquées, mais des petites mosquées. On n'a pas vraiment de la facilité, mais Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans cette da'wa. Hein? Avec le peu de moyens qu'on a, et on arrive quand même à faire des grandes choses, et des choses bénéfiques pour la Ummah et pour les musulmans. Hein? Et la mosquée qu'on a ici, alhamdoulilah, elle est peut-être petite, hein? Mais inshallah, si elle est bâtie sur le tawhid, et sur la sunnah, et sur la sincérité, à l'ikhlas, et à sidq ma'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va avoir beaucoup plus d'impact que toutes les autres immenses mosquées, hein, qui sont remplies de bid'ah et de choses contradictoires avec la sunnah et avec l'islam. Donc il ne faut pas juste se fier à l'apparence. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le risque. Et il donne le risque à qui il veut. Donc ça, c'est une des techniques des munafiqin, d'essayer de bloquer les financements de la da'wah et de l'islam. وحاول اليهود تفريق المسلمين وارتدادهم عن دينهم قال وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولكن الخطة لم تنجح لأن الله كشفها وفضحها وحاولوا مرة ثانية فأخذوا يذكرون الأنصار يذكرون الأنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام وما تقاولوا به من أشعار الهجاء فيما بينهم فكشف الله خطتهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الشيخ الذي قال les juifs ont essayé de diviser les musulmans en apostasiant de la religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 72. Et un groupe d'entre les gens du livre ont dit: croyez en ce qui a été révélé sur les croyants au début de la journée, et à la fin de la journée, rejetez-le pour qu'il puisse revenir, pour qu'il revienne de la croyance, pour qu'il quitte l'islam. C'est-à-dire, faites semblant d'entrer dans l'islam pour montrer à ces gens-là que vous croyez à l'islam au début, et puis à la fin de la journée, rejetez l'islam. Comme ça, les gens ils vont avoir des doutes. Pourquoi? Parce que c'est des mushrikoun. C'est les gens de la Mecque, de Quraysh. C'est des gens qui n'ont pas reçu de livre auparavant. Et les juifs sont des gens qui ont reçu un livre. Alors quand ils rentrent dans l'islam au début de la journée et que le soir ils le quittent, ça met des doutes dans les gens de Quraysh, dans la tête, dans l'esprit ou dans le cœur des gens de Quraysh. Ils disent: comment ça se fait, ces gens-là, ils ont reçu le livre, ils acceptent l'islam et ils le rejettent? Ça veut dire que cette religion, elle n'est pas vraie. Donc ça, c'est une technique que les juifs ont essayé d'utiliser pour mettre des doutes dans l'islam et dans le cœur des gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé cette ruse qu'ils ont ramenée et les a démasqués. Et ils ont essayé encore une fois de créer de la division entre les musulmans en ramenant des poèmes préalables à l'islam des Ansar. Hein, qui était avant l'islam divisé en deux tribus, Al-Aws wa Al-Khazraj, hein, et entre eux il y avait des guerres interminables, et ils écrivaient des satires, c'est-à-dire des poésies pour se moquer les uns des autres et pour attaquer les uns les autres. Donc les juifs ont ramené ces anciennes satires pour rappeler à chacun de ces deux groupes, de ces deux tribus préalables, yani Al-Aws wa Al-Khazraj, les guerres qu'ils avaient auparavant pour raviver la haine et l'animosité qui était morte avec leur conversion à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois a démasqué leur ruse et leur complot, et il l'a mentionné dans un verset dans sourate Al-Imran, le verset 5: ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe d'entre ceux qui ont reçu le livre, ils vont vous faire revenir à la mécréance après avoir eu la foi. Donc ça, c'est les exemples des tentatives des juifs et des gens du livre pour essayer de faire sortir les croyants de l'islam et les faire revenir à la mécréance. Et ça continue encore aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils essaient par toutes sortes de moyens de diviser les musulmans, de diviser les salafiyoun avec les munafiqoun, les hypocrites. Hein? Parce qu'il y a des hypocrites, comme je disais là, l'autre jour, il y a des hypocrites parmi les musulmans et il y a des hypocrites parmi les salafiyoun, des gens qui se prétendent salafis, tu les vois avec la barbe, avec le qamis. En réalité, ce sont des hypocrites. Ils détestent la da'wah salafiyya et ils détestent la sunna. Et ils veulent tout faire pour diviser les salafis et diviser cette da'wah et l'affaiblir et stopper la da'wah et faire en sorte qu'elle ne se propage pas. Donc il faut être vigilant et il faut être conscient de ça. Le Cheikh il dit ila qawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hein? Parce que les kuffars et surtout les Français ici dans ce pays, hein, ceux qui détestent l'islam, ils savent ces choses-là. Ils savent comment infiltrer des individus parmi les gens pour créer des dissensions et des problèmes et des fitan et diviser par la suite les musulmans et la da'wah. Ils utilisent ces ruses-là partout. Hein? Et ça, ils l'ont fait dans leur histoire, c'est rempli de témoignages de ça. Donc il faut être conscient de ces choses-là et pas se laisser tromper. Hein? Et c'est pour cette raison-là, c'est très important de s'accrocher fermement et de comprendre nos principes et nos bases pour éviter justement de se faire diviser à cause de certains individus qui appellent à la fitna et la division. Donc le cheikh il dit ensuite ila qawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الله واجتماعهم به بعد الفرقة فتصافحوا وتعانقوا وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة والله تعالى أمرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن الاختلاف والتفرق فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Juste, donc le verset qu'on a lu tout à l'heure dans sourate Al-Imran, le verset 100 jusqu'au verset 106 qui termine par les mots ou le verset qui dit يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, le jour où des visages seront éclatant et d'autres visages deviendront assombris. Et comme Abdullah ibn Abbas il a dit à propos de ce verset que les visages qui deviendront éclatants, ce sont les visages de Ahl Sunnah wal Jama'a, et les visages de ceux qui deviendront assombris, ce seront les visages des uns de la division et de la bid'a. Donc les cheikhs il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu au Ansar et il leur a fait des exhortations et il leur a rappelé de la grâce de l'islam et du fait qu'ils ont été unis après avoir été divisés. Alors les Ansar se sont donné la main et ils se sont fait des accolades et la ruse des juifs qui voulaient les diviser a échoué encore une fois et les musulmans sont restés une seule et unique umma comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de rester unis sur la vérité et leur a interdit la division. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 105 dans surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 103, dans la même surat Al-Imran, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qad shara'a lahum subhanahu al-ijtima'u fi ada' al-ibadat fi as-salat was-siyam wal-hajj wa talab al-'ilm. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yahuthu 'ala ijtima' al-muslimin wa yanhaahum 'an at-tafarruq wal-ikhtilaf. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hath 'ala al-ijtima' والنهي عن التفرق فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة كما حصل للأمم قبلها حيث قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans l'islam des règles et des adorations qui se font en groupe, comme par exemple la salat, le jeûne, le hajj et la quête de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à rester unis et leur a interdit de se diviser et de diverger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne ou nous informe de rester unis en nous mentionnant, il nous interdit de nous diviser en nous mentionnant que dans l'avenir ou dans le futur, dans le futur de la Ummah, il y aura des divergences et des divisions. Et quand il nous dit que plus tard il y aura de la divergence ou de la division, ce n'est pas pour dire aux musulmans soyez satisfaits de la division ou acceptez la division. Il nous dit qu'il va y avoir de la division justement pour qu'on fasse plus d'efforts pour rester unis. Et il mentionne le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, qui est un hadith très célèbre, qui est un des fondements de cette da'wah, un des fondements de ce manhaj, qui dit « Et celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous tous à ma sunnah et à la sunnah de mes successeurs bien guidés après moi. » Et ça, c'est le remède de la division et de la divergence. C'est-à-dire, si vous voyez de la divergence, revenez à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, dans un autre hadith qui est très célèbre aussi, que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette umma, la umma de l'islam, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sera divisée en 73 sectes, et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et les sahaba ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laquelle d'entre elles sera au paradis, au messager d'Allah, laquelle sera sauvée. Il a dit c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc il nous donne la définition du problème et il nous donne la réponse et la solution à ce problème, c'est-à-dire de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam fatafarraqat al-umma fi awakhir 'asr as-sahaba. Walakin hadha at-tafarruq lam yu'athir kathiran fi kiyan al-umma طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et il dit qu'il y a une partie de ce que le prophète صلى الله عليه وسلم avait annoncé qui s'est produit à la fin de la période des Sahaba, à la fin de la période des Sahaba. Mais cette division qui s'est produite à cette époque n'a pas eu un grand impact ou un grand effet sur la constitution de la Ummah ou bien sur la Ummah en entier. À travers les trois époques ou les trois générations bénies, elle n'a pas eu un grand impact et n'a pas affecté trop la Ummah à ce moment-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de ces trois premières générations en disant les meilleurs hommes sont ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent, c'est-à-dire les trois premières générations. Qala ar-rawi la adri dhakara ba'da qarnihi qarnayn aw thalatha. وذلك لوفرة العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم علماء التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وتلاميذهم ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون. Donc le cheikh il dit, le narrateur de ce hadith, il a dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné après sa génération deux ou trois générations. Et il dit la raison pourquoi ces générations-là, ils sont les meilleurs, c'est à cause justement de la grande quantité de ulama qui existaient dans ces époques-là. Et parmi les ulama qui existaient, il y avait des muhaddithin, des savants de hadith, des savants de tafsir, il y avait des fuqaha également. Donc, à cause de la grande présence des ulama à cette époque-là, eh bien, il y avait plus de bien dans ces générations-là que les générations qui sont venues par la suite. Bima fihim ulama at-tabi'in, parce qu'il y avait parmi eux les ulama des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, ceux qui ont appris leur islam des sahaba, et les élèves des tabi'in, c'est-à-dire les élèves de ceux qui ont appris avec les sahaba, et ensuite les quatre imams des madhab, qui sont les quatre imams bien célèbres, hein, parmi les grands imams de l'islam, et ainsi que leurs élèves qui les ont suivi par la suite. Donc ça fait partie des facteurs qui font que ces générations-là étaient plus fortes. Et il y a également le fait que les pays de l'islam à cette époque-là étaient également des pays très forts et très puissants, et ce qui rajoutait encore plus de force, hein, et ils étaient, disons, plus attachés à leur islam et à leur aqidah. فكانت الفرقة أو الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة، وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة، وعربت علوم أهل الملل الكافرة، واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال، فصار منهم الوزراء والمستشارون، فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة، ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. Et le cheikh il dit ensuite que les sectes qui sont apparues dans ces époques-là, aussitôt qu'elles essayaient de sortir ou de se montrer, eh bien elles se faisaient rabaisser tout de suite, et elles retrouvaient une rétribution très, très sévère par les preuves et par la force, par les preuves du Coran et de la Sunna, du fait que les ulama les réfutaient sur le champ. Les ulama réfutaient toutes les bid'as qui apparaissaient, et du fait que les musulmans avaient une force politique également et militaire qui faisait que chaque fois que ces groupes essayaient d'apparaître ou de sortir, ils retrouvaient également une réponse même très forte de la part des dirigeants aussi en même temps. Et après ces trois siècles bénis, après cette période bénite, les choses ont commencé à se mélanger un peu, hein, et les choses sont devenues un peu plus floues. Et les musulmans ont commencé à se mélanger avec les gens des autres religions qui opposent l'islam. Et les livres des gens des différentes religions de Kufr ont commencé à être traduits en arabe. Les gens ont commencé à traduire les livres de philosophie et les livres des croyances et des idéologies des autres religions ont commencé à être traduites en arabe. Et certains d'entre les rois de l'islam ont commencé à prendre comme conseillers des gens des religions de Kouf et des Garmans. Et ils ont fait d'eux des ministres et des conseillers dans leur gouvernement. Et donc, la divergence et les divisions et les divergences ont commencé à se multiplier. Et les sectes et les différentes voies des Garmans ont commencé à se multiplier également, et les fausses voies. Et la situation, elle continue de cette façon jusqu'à notre époque aujourd'hui, et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. Walakin bihamdillah, بقيت الفرقة الناجية بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة مستمسكة بالإسلام الصحيح تسير عليه وتدعو إليه ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها وذلك من الله سبحانه وتعالى من أجل بقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. Le cheikh il dit, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce groupe sauvé, les gens de la sunna et de la jama'a, de l'unité, qui s'accrochent à l'islam, le vrai islam, sont restés. Hein? Et ont continué à suivre cette voie et cet islam réel qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les musulmans des trois générations bénies ont suivi. Et ils ont continué à appeler à cette voie et à cet islam. Et ils vont continuer, hein, ils vont continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a mentionné. Et comme il nous l'a mentionné dans plusieurs hadiths, que jusqu'à la fin des temps, il y a le groupe qui va être victorieux sur la vérité, comme c'est mentionné. Donc ça va continuer comme ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette religion-là puisse durer et rester et que la preuve soit toujours établie contre ceux qui s'opposent à la vérité. Hein? Donc, alhamdulillah. Et le cheikh il dit, « Wa inna hadhihi al-ta'ifa al-mubaraka tumassilu ma kana alayhi al-sahaba radiyallahu anhum ma'a al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fil qawl wal-amal wal-i'tiqad kama qala sallallahu alayhi wa sallam هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إنهم بقية صالحة من الذين قال الله فيهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. Il dit, ce groupe béni qui représente ceux que suivaient les Sahaba رضي الله عنهم avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole, dans l'action et dans la croyance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits lorsqu'il a dit, ce sont ceux qui suivent ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ce sont le petit groupe qui reste pieux et qui reste vertueux, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 116, dans sourate Hud, si seulement il était resté parmi les peuples qui ont vécu avant vous un petit groupe qui interdise la corruption et le désordre sur la terre. Hein? Donc ça c'est la les caractéristiques de ce groupe. Hein? Qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Le cheikh il dit Asma'ul firqatun najiya. Asma'ul firqatun najiya wa ma'naha. Les noms qui sont donnés à ce groupe sauvé et leur signification. لما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها ليقتدى بها فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق ومن أهم هذه الأسماء والعلامات أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة ومعانيها كما يلي. Donc le cheikh il mentionne les noms qui sont donnés à ce groupe sauvé et leur signification. Il dit étant donné que parmi les différentes sectes, donc il y a cette secte qui est sur le vrai islam, qui est exemple de toutes les différentes formes d'égarement. Eh bien, ça nécessite de notre part de connaître connaître les noms par lesquels on reconnaît ce groupe et les signes par lesquels on reconnaît ce groupe pour qu'on puisse le suivre. Parce qu'elle a des grands noms par lesquels elle se distingue des autres groupes et des autres sectes. Et les noms, ils ont leur importance. Hein, c'est pas quelque chose à négliger. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les noms, c'est pas important. Ah, c'est pas important comment on l'appelle, c'est pas important de se dire de faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a ou de se dire Salafi ou des choses de ce genre. Il dit c'est pas important. tant qu'on suit les principes. Les principes sont, c'est vrai que les principes sont plus importants, mais le nom aussi il a son importance, puisque c'est par les noms qu'on reconnaît les choses. Et quand ça crée de la confusion, à quel moment ça crée de la confusion? Ça crée de la confusion quand les noms n'indiquent pas la réalité des choses auxquelles elles se réfèrent. Et là, il y a un problème. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut toujours ramener et rappeler aux gens la réalité de ce que signifient ces noms-là et les principes qui sont derrière l'utilisation de ces noms et de ces appellations pour éliminer l'ambiguïté et la confusion qui existe dans l'esprit de certaines personnes. Donc parmi les noms que le cheikh il mentionne, il y en a beaucoup d'autres, mais il mentionne Al-Firqatul Najia, c'est-à-dire le groupe sauvé, Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, et Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la Sunna et de la Jama'a. Et on aurait pu rajouter à ces noms-là que le cheikh a mentionné As-Salafiyoun, c'est-à-dire les gens qui suivent les Salaf al-Salih, et également Ahlul Hadith, les gens du Hadith, et également Ahlul Asar, les gens de Al-Asar, c'est-à-dire les narrations, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Hadith, Al-Asar. Et ça fait partie des noms que les ulama d'Ahlul Sunnah wal Jama'a ont utilisés pour désigner les gens d'Ahlul Sunnah wal Jama'a qui suivent ce groupe sauvé. Tout ça, c'est des synonymes, en fait. Donc, le cheikh, il dit, parmi les significations de Ahlul Sunnah wal Jama'a, « Annaha al-firqatul najia, ay al-najiatu minan nar, haythu stathnaha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma dhakar al-firq, wa qala kulluha fin nar, illa wahida, yani laysat fin nar. » Donc, le groupe sauvé, c'est-à-dire celui qui va être sauvé de l'enfer, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les sectes, et il a mentionné que toutes ces sectes seraient en enfer excepté une, c'est-à-dire que c'est la secte qui ne sera pas en enfer. Et juste une note à propos de ce hadith, ou à propos de ce point, c'est qu'il est important de comprendre que lorsqu'on dit que les autres sectes seront en enfer, ça ne signifie pas qu'elles sont mécréantes. Ça ne signifie pas qu'elles sont en dehors de l'islam nécessairement. Certaines de ces sectes, comme les ulama ont expliqué, certaines de ces sectes, peut-être elles sont en dehors de l'islam parce qu'elles ont contredit le tawhid et les fondements de l'islam. Donc dans ce cas-là, elles ont quitté l'islam, comme certaines sectes qui sont bien connues, comme les Jahmiyyah par exemple, qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les Rafida qui insultent les Sahaba et qui adorent les morts et des choses de ce genre, et les tombes et des choses de ce genre. Donc ceux-là, les ulama, ils clarifient que c'est des sectes qui ont quitté l'islam, ou bien comme les Qadianiyyah. C'est clair qu'ils croient à un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sont des kuffars. Donc, il y a des groupes parmi ces sectes qui sont en dehors de l'islam. Toutefois, il y en a d'autres, ils sont menacés de l'enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en dehors de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en dehors de l'islam. Ça veut dire qu'ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Et s'ils meurent dans cet état-là sans se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala peut les pardonner par sa miséricorde et les faire entrer au paradis directement. Ou s'il veut aussi, il peut les faire entrer en enfer pour un certain temps et les faire sortir de l'enfer quand il décidera pour entrer au paradis, pour y demeurer éternellement par la suite. Une fois que leurs péchés et leurs innovations auront été purifiés. Donc ça, c'est pour faire comprendre que ça, c'est la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ça, on va y revenir à l'intérieur de la conférence du Cheikh. Il parle de ce principe-là qui fait partie des fondements de la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent le hadith des 73 sectes, ils le refusent ou ils le rejettent sans le comprendre. Donc ça, c'est juste un point en... En passant, après le cheikh, il dit وَأَنَّهَا تَتَمَسَّكَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ حيث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc la deuxième définition ou signification de cette appellation de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est que ce sont ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire ce que suivaient les premiers musulmans qui ont précédé dans la foi parmi les muhajirines et les ansars, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour les définir ou pour décrire ce groupe sauvé que ce sont ceux qui suivent ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Hein? Donc ça c'est une des définitions ou une des significations de ce groupe sauvé. ثالثا أن أهلها هم أهل السنة والجماعة فهم يتميزون بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والمرجئة أو إلى أئمتهم كالجهمية أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. نعم. Donc le sheikh il explique que troisièmement ils sont Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et de la jama'a, c'est-à-dire qu'ils sont unis, qui restent unis. Hein? Al-jama'a, ça veut dire le fait de rester unis, de rester ensemble sur la vérité. Donc, ils se distinguent par ces deux grandes distinctions, ces deux grandes caractéristiques. La première, c'est qu'ils s'accrochent à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un tel point qu'ils deviennent ceux qui sont reconnus comme étant les gens de la sunna. Tellement ils s'accrochent à la sunna, on les reconnaît comme étant les gens de la sunna. Et être sur la sunna, c'est pas comme certaines personnes qui s'imaginent que c'est juste d'appliquer certains aspects de la sunna et que ça se limite à ça. C'est de s'accrocher à la sunna et de rejeter toute bid'a, toute innovation. Parce que si tu acceptes la sunna puis que tu acceptes la bid'a en même temps, tu n'es pas sur la sunna. Même si tu pratiques tous les aspects de la sunna. Du moment que tu ne t'es pas désavoué de toutes les bid'ahs, tu n'es pas sur la sunna. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et ils pensent que le fait d'appliquer certains aspects de la sunna, c'est ça qui fait d'eux des gens de la sunna. Mais si quelqu'un pratique la sunna dans son apparence, ou dans certains aspects de la religion, puis qu'il est d'accord avec les fondements de la bid'ah, comme par exemple quelqu'un qui fait le takfir des dirigeants, puis qui applique des aspects de la sunna, on ne va pas dire de lui qu'il est sunni. Parce qu'il oppose la sunna et il défend une bid'a, qui est la bid'a des khawarij. Hein? Ou bien quelqu'un qui se dit sunni puis qui défend, par exemple, le soufisme. On ne va pas dire de lui qu'il est sur la sunna parce qu'il oppose les fondements de la sunna en défendant des bid'a et des innovations. Donc, être sunni et être sur la sunna, ça ne veut pas seulement dire d'appliquer des aspects de la sunna, mais ça veut dire, en plus de ça, de se désavouer et de rejeter tout ce qui est bid'a. Et toutes les bid'a dans la croyance, toutes les bid'a dans les paroles, et toutes les bid'a dans les actions. Donc sur tous les niveaux et sur tous les plans, de rejeter toutes les formes de bid'a, de rejeter toutes les sectes, et tous les groupes, et toutes les appartenances à des groupes qui prônent ou qui défendent des bid'a, peu importe dans quel niveau ou dans quel degré. Hein? Qui défendent soit des individus qui sont sur la bid'a, ou des groupes qui sont sur la bid'a. Ou des idées, ou des pensées, ou des pratiques, ou des croyances de bid'ah. Si quelqu'un fait ça, il n'est pas sur la sunna, même s'il applique des aspects de la sunna. Ça, c'est un point très important que beaucoup de gens n'ont pas compris. Wallahu al-musta'an. Donc, le premier point, c'est ça. De s'accrocher à la sunna au point de devenir les gens de la sunna. Contrairement à d'autres groupes et d'autres sectes, qui s'accrochent, au lieu de s'accrocher à la sunna, s'accrochent à leurs opinions, s'accrochent à leurs passions, s'accrochent aux positions ou aux paroles de leurs fondateurs. Hein? Et donc, elles ne se réfèrent pas à la sunna. Elles se réfèrent uniquement aux innovations et aux égarements qu'ils ont inventés. Comme par exemple, Al-Qadariya, du fait qu'ils nient Al-Qadar, hein, et ils suivent les gens de l'égarement qui ont innové cette bid'a de nier Al-Qadar, hein, comme Amr ibn Ubaid, Wasil ibn Atta, Ma'bad al-Juhani et d'autres qui ont amené cette bid'a de nier Al-Qadar, de nier la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la secte qu'on appelle la secte des Qadariya, hein, parmi les Mu'tazila et les autres. Et la secte des Murji'a, ceux qui nient que l'action fait partie de la foi et qui pensent que tout le monde est équivalent dans la foi, qu'il n'y a pas de distinction entre un croyant et un autre, ou un musulman et un autre, dans leur niveau ou dans leur degré de foi. Que celui qui fait des péchés et des désobéissances, il est équivalent avec celui qui est obéissant et qui s'écarte des péchés. Hein? Et qui pense que la foi, elle est une chose qui est unique. Dans le sens qu'il pense que la foi, elle n'augmente pas et ne diminue pas en une seule et même personne. Que tout le monde a toujours le même niveau de foi. Et que c'est soit que tu l'as ou que tu l'as pas. Hein? Donc ça, c'est des exemples d'égarement de cette secte qu'on appelle la secte des Murji'a, qui sont sortis de la Sunna. Parce qu'ils n'ont pas basé leur compréhension de la Aqidah sur le Coran et la Sunna et la compréhension des Sahaba. De même que les imams des Jahmiya, qui ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont exagéré dans l'affirmation du Qadar jusqu'à même nier que les êtres humains aient une liberté, même une responsabilité dans leurs actions. Ils disent que l'homme, il est forcé de faire ce qu'il fait et qu'il est comme une plume dans le vent, hein? Ou bien d'autres aspects qu'ils ont et d'autres erreurs qu'ils ont dans différents niveaux de la croyance, hein? Dans le qadar, dans l'iman, dans l'asma wa sifat et dans d'autres aspects également de la compréhension de la religion. Et c'est pour cette raison là que les ulama les ont déclarés kuffar al-jahmiya, parce qu'ils nient tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. Comme par exemple d'autres sectes qui ont opposé أهل السنة والجماعة comme les رافضة. On les appelle رافضة, hein? Et les ulama ils mentionnent la raison pour laquelle on les appelle رافضة. C'est parce qu'ils ont refusé Zayd, ils ont refusé Zayn al-Abidin, hein, qui s'appelait Zayn al-Abidin parmi les descendants de Ali radiallahu anhu, qui refusait d'insulter Abu Bakr et Omar. Donc quand ils ont vu qu'ils refusaient d'insulter Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, ils se sont séparés d'eux et ils l'ont refusé comme étant leur chef. Et donc on les a appelés, à partir de ce moment-là, on les a appelés les Rafida, hein, parce qu'ils ont refusé. Al-Raf, ça veut dire refuser. Et c'est une des sectes parmi les sectes des Shi'as. Et les Shi'as sont différentes sectes, ils ne sont pas une seule secte. Il y a Zaydiya parmi les sectes des Shi'as, il y a Rafida qui est la plus répandue et qui est une des plus extrémistes, et il y a également les Ismaïliya et il y en a d'autres également, et ils sont parfois même dans des degrés d'égarement et de kufr égarés, plus égarés même que les juifs et les chrétiens dans leur kufr, sallallahu alayhi wa sallam. De même que les khawarij qui déclarent kuffar, hein, toute personne qui commet un grand péché et qui rendent légal ou rendent permise ou même obligent parfois le fait de se révolter contre les dirigeants qui commettent des péchés ou qui font de l'injustice. Donc ils obligent la révolte et la rébellion contre les dirigeants. Ça c'est le manhaj de la secte des Khawarij, hein, qui oppose la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et le Cheikh dit وَالْمِيزَةُ الثَّانِيَةِ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْجَمَعَةِ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْحَقِّ وَعَدَمِ تَفَرُّقِهِمْ بِخِلَافِ الْفِرَقِ الْأُخْرَى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. Et une autre caractéristique, hein, la première caractéristique, c'est le fait qu'ils sont les gens de la sunna par opposition aux autres groupes de bid'a, et l'autre caractéristique, c'est qu'ils sont les gens de la jama'a, du fait qu'ils s'unissent et ils sont tous unis sur la vérité, hein, et qu'ils ne se divisent pas. Contrairement aux autres groupes, hein, qui ne se réunissent pas sur la vérité, mais qui ne font que suivre leurs péchés, et ils n'ont aucune vérité qui les unisse. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important aussi. Et quatrièmement, rabi'an, annaha at-ta'ifatul mansura ila qiyam as-sa'a. لأنها نصرت دين الله فنصرها الله كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. Donc quatrième point, c'est que c'est le groupe victorieux qui reste sur la vérité et victorieux jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'établissement de l'heure du jugement dernier. Parce qu'elle est venue au secours de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné son support et la victoire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans surat Muhammad, « In tansurullaha yansurkum » Si vous défendez Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion et défendez sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner la victoire et va vous rendre victorieux. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la yadurruhum, ceux qui vont les abandonner ou bien qui vont s'opposer à eux ne vont pouvoir leur nuire en rien du tout. Ils ne pourront pas du tout leur nuire ou leur faire du tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum ala dhalik, ils vont rester là-dessus, sur cette voie, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc ça c'est les points et les principes les plus importants. Donc si vous voulez, on peut s'arrêter ici maintenant, inshallah, puis continuer la suite de cette conférence, inshallah, à la prochaine partie, à la suite, inshallah. Ok, d'accord. Donc, on va continuer encore pour un quart d'heure, puis on va s'arrêter, inshallah. Donc, le cheikh, il commence maintenant à mentionner les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et il les énumère en 10 points. Donc, il mentionne les points les plus importants parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et c'est important de les comprendre et de les connaître pour savoir distinguer et pour savoir reconnaître les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. أن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهذه الأصول تتلخص فيما يلي. Donc, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils suivent une voie qui est établie sur des principes et des fondements fermes et clairs dans la croyance, dans la pratique religieuse et dans le comportement. Et ces fondements-là sont des grands fondements qui sont extraits du Coran et de la Sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam et ce que suivaient les salafs, les prédécesseurs de cette umma parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et ces fondements-là se résument par les points suivants. Le premier point, al-aslu al-awwal, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-imanu bil-qadari khayrihi wa sharrihi. Donc le premier fondement, c'est quoi? C'est les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. La foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi en le jour dernier, et la foi en la prédestination. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, hein, de bien et de mal, de ce qui nous arrive. Fal-imanu billah, هو الإقرار بربوبيته وإلهيته، يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit que premièrement le premier de ces piliers de la foi c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de reconnaître la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le maître de tout, le créateur de toutes choses, et de reconnaître que il a le droit exclusif à l'adoration, qu'il a al-uluhiyya, le droit exclusif d'être adoré. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître, pour croire en Allah, il faut reconnaître ces trois principes ou ces trois catégories de tawhid. Celui qui n'a pas compris ou pas cru en ces trois catégories de tawhid, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que quelqu'un soit croyant, qu'il dise qu'il croit en Allah, il doit respecter ces trois caractéristiques ou ces trois catégories dans le tawhid. Tawhid al-Rububiyya, le tawhid ou l'unicité d'Allah dans la souveraineté d'Allah, c'est-à-dire dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que, bon, on va l'expliquer après. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son droit exclusif à l'adoration et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Wa tawhid al-Asma'i wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. فتوحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه رب كل شيء ومليكه. Donc le tawhid de la souveraineté, ça signifie que tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. C'est-à-dire que tu dis qu'il est le seul, tu dois croire qu'il est le seul à créer, hein, que c'est lui seul qui a tout créé, que c'est lui seul qui fait le fait de donner la subsistance à ses créatures, qu'il est le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est lui le maître et le seigneur de toutes choses. Hein? Tawhid al-uluhiyya ma'nahu ifrad af'al al-ibad allati yataqarrabuna biha ilayhi idha kana mimma shara'ahu Allah kad-du'a wal-khawf wal-raja والمحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله وكل ما شرعه الله وأمر به لا يشركون مع الله غيره فيه لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم. Donc le tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les actions de ses serviteurs. C'est-à-dire les serviteurs d'Allah, les créatures d'Allah doivent se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et l'adorer lui seul, et de l'adorer par ce qu'il a légiféré, c'est-à-dire de l'adorer par ce qui a été révélé et non pas par des innovations. Et c'est par exemple l'adoration du dua, qu'on doit adorer seulement Allah en l'invoquant lui seul et ne pas adorer d'autres ou invoquer d'autres en dehors de lui. De même que la crainte, le fait de craindre Allah seul et de ne pas craindre d'autres en dehors d'Allah, le fait de mettre notre espoir en Allah seul et non pas de mettre notre espoir en des créatures, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer pour lui et en lui et de ne pas aimer avec lui les créatures, ou de ne rien aimer plus que lui, le fait de sacrifier ou d'immoler un animal, on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour les créatures. La même chose pour les vœux, lorsqu'on fait des vœux pieux et qu'on s'impose certaines formes d'adoration en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut savoir que ça c'est une adoration et qu'on doit le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander de l'aide, on le demande à Allah. Et le fait de demander le refuge et le secours, on les demande à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la salat, et le jeûne, et le hajj, et le fait de dépenser de nos biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça fait partie des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées et qu'il a ordonnées. Et on n'a pas le droit d'associer quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ces adorations-là. Peu importe qu'est-ce que cette chose peut être, même si c'est un ange, ou un prophète, ou un homme pieux, ou un saint, ou une tombe, ou autre, ou un djinn, on n'a pas le droit de lui offrir aucune de ces formes d'adoration. Toutes les adorations sont réservées uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وتوحيد الأسماء والصفات ومعناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما نزه نفس عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. De même que la troisième catégorie dans le tawhid, qui est le tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Et c'est-à-dire que tu dois affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné lui-même comme nom et comme attribut et comme description dans le Coran et dans la Sunna. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné également comme nom et comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sunna. Et de même qu'on doit purifier Allah subhanahu wa ta'ala et nier tout ce qu'il a nié à propos de lui-même dans le Coran. Hein? Quand il a nié par exemple qu'il a un fils ou qu'il dit qu'il n'a nul sommeil, ni somnolence, ni fatigue ne l'atteigne, hein? Qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas, qu'il n'a besoin de rien. Ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et qu'il a dit qu'il niait ces choses-là à propos de lui-même, qu'il se purifiait de ses faiblesses et de ses défauts et de ses imperfections-là. Et donc nous, on doit nier ces défauts et ces imperfections-là à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié et a mentionné pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala de différents défauts ou d'imperfections, on doit nier ces choses-là. Et on doit se limiter à ce qui est mentionné dans la révélation au sujet de ces choses. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas la révélation. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, on l'affirme. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont nié, on le nie. Et on s'arrête à ce qui est mentionné dans la révélation. Comme le cheikh il explique, on ne doit pas faire de ressemblance et de comparaison entre Allah et sa création. Et on ne doit pas non plus faire des déformations ou des falsifications ou de dénaturer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms. Il faut les prendre tels qu'ils sont mentionnés dans la révélation et les accepter tels quels et ne pas les vider de leur sens, hein, et de ne pas déformer leur signification réelle ou leur donner une autre signification ou de les réinterpréter de manière qui contredit la réalité de la signification de ces attributs-là. Donc ça, c'est très important. Et il ne faut pas essayer non plus d'imaginer Allah ou de comparer Allah, comme on a dit, de faire du tashbih ou du tamthil entre Allah et sa création, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 11 dans surat Ash-Shura, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui est comparable à lui ou qui soit pareil à lui, et il est l'audient et le voyant. De même qu'on ne doit pas faire de taqiyif aussi. Le cheikh l'a pas mentionné, mais ça c'est connu dans la aqidah des salaf, de ne pas demander le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou essayer de chercher le comment dans notre esprit, ou bien de poser la question de savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on ne peut pas connaître ces choses-là. Ensuite, le cheikh il mentionne le deuxième pilier de la foi, al-iman ou bil-malaika, ومعناه التصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله خلقهم من نور وخلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في الكون كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. De même qu'il faut croire en les anges, et la signification de ça, c'est qu'il faut croire en leur existence, c'est-à-dire que les anges existent même si on ne les voit pas. Et il faut également savoir que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, donc ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créées à partir de lumière, et il les a créées pour être adorées par ses anges, il les a créées pour son adoration et également pour exécuter ses ordres dans la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 26 et 27 dans Sourate Al-Anbiya qu'ils ne le précèdent jamais dans leurs paroles et ils agissent que par son ordre. Ils n'agissent que par son ordre. Donc ils ne précèdent jamais Allah subhanahu wa ta'ala par une parole et ils n'agissent que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit dans Sourate Fatir, le verset 1, en disant qu'il a fait des anges, des messagers qui possèdent deux ou trois ou quatre ailes. Et il augmente dans sa création ce qu'il veut. Donc il peut rajouter le nombre d'ailes qu'il veut à ses anges. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de Jibril alayhi salam, qu'il a 600 ailes. Et qu'avec un seul de ses ailes, il couvre l'horizon au complet. Hein? Il dit ensuite le pilier numéro 3, al-imanu bil kutub. Wal-imanu bil kutub yani at-tasdiq biha wa bima fiha min al-huda wan-nur wa anna Allah anzalaha ala rusulihi li hidayati al-bashar. Wa a'zamuha al-kutub ath-thalatha, at-Tawra wal-Injil wal-Qur'an. وأعظم الثلاثة القرآن الكريم وهو المعجزة العظمى. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حروفه ومعانيه خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني وأما الحروف فهي مخلوقة وكلا القولين باطل. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله فهو كلام الله لا كلام غيره. Donc le cheikh il mentionne dans le point numéro 3, le troisième pilier de l'islam, ou de la foi plutôt, le troisième pilier de la foi, que c'est la foi en les livres, c'est-à-dire de croire en ces livres et de ce qu'il y a et de croire en ce qu'il y a dedans comme guidance et comme lumière. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a révélés à ses messagers pour guider l'humanité. Et le plus grand d'entre ces livres, sont les trois grands livres. At-Tawrah, wal-Injil, wal-Qur'an. Et le plus grand d'entre ces trois, c'est le Qur'an, al-Karim, qui est le plus grand de tous les miracles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a défié l'humanité, de ramener quelque chose de semblable à ce Qur'an. Dans Sourate Al-Isra, dans le verset 88 et dans d'autres versets également, il dit au Muhammad, à ces gens, si tous les hommes et les djinns se réunissaient pour essayer de ramener quelque chose semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas ramener quelque chose de semblable, même s'ils s'aidaient tous les uns les autres pour y arriver. Même si tous les hommes se donnaient un coup de main pour essayer de ramener quelque chose de comparable au Coran, il ne serait pas capable de ramener rien de comparable. Hein? Et le cheikh, il dit que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils croient également que le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été révélée et qui n'est pas créée. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'est-ce qui est révélé de la parole d'Allah? Ce sont les lettres et la signification de ces mots. Ce sont les lettres et les mots et leur signification. Contrairement au Jahmiyyah et au Mu'tazila qui disent que le Coran est créé en entier dans ses lettres et dans sa signification. Et contrairement aux Asha'ira, la secte des Asha'ira et des Maturidiyya, et de ceux qui leur ressemblent, qui disent que le Coran, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils divisent la parole, les mots et leur signification. Ils font une distinction entre les deux. Ils disent que la signification, c'est la parole d'Allah, mais les lettres, c'est créé. Donc, ils ramènent une bid'a, de distinguer entre les mots et les lettres et leur signification. Et ces deux positions-là, la première, ceux qui disent que les lettres et les significations sont créées, et la deuxième, celles qui disent que les lettres sont créées mais non la signification, ces deux paroles-là sont des paroles fausses, des positions de bid'a et d'égarement. Et le Cheikh, il mentionne les deux versets suivants, le verset 6 dans Surah Tawbah et le verset 15 dans Surah Al-Fath, dans lequel il dit, dans le premier, « Et si l'un d'entre les mouchriquines te demande la protection, alors protège-le, donne-lui la protection et la sécurité jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. » Donc ça c'est la preuve que ce qu'ils entendent, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on récite dans la salat, qu'est-ce qu'on lit dans le mushaf, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas créé. De même que le verset 15 dans Surat al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Yuridun an yubaddilu kalam Allah ». C'est la preuve que ce qu'on entend, et ce qu'on récite, et ce qu'on mémorise dans le Coran, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas créé. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas la parole de quelqu'un d'autre. On va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera bi'iznillah au prochain cours, inshallah, pour la suite de ces fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وفيكم بركة.